La Géante by Charles Baudelaire. Read for LibriVox.org by Karen Savage. Du temps que la nature, en sa verve puissante, concevait chaque jour des enfants monstrueux, je s'aimais vivre auprès d'une jeune géante, comme au pied d'une reine un chat voluptueux. Je s'aimais voir son corps fleurir avec son âme et grandir librement dans ses terribles yeux. Devinez si son cœur couve une sombre flamme aux humides bruyardes qui nagent dans ses yeux. Parcourir à loisir ses magnifiques formes, ramper sur le versant de ses genoux énormes, et parfois en été, quand les soleils malsains lassent la faune s'étendre à travers la campagne, dormir nonchalamment à l'ombre de ses seins, comme un amour paisible au pied d'une montagne. End of poem. This recording is in the public domain.